Elle habitait une vieille maison, mais assez grande, pour avoir une belle pièce de réserve, dont elle fit sa chambre de parade et qui fut celle où l'on me logea. Cette chambre était sur le passage dont j'ai parlé, où se fit notre première entrevue. Et, au-delà du ruisseau et des jardins, on découvrait la campagne. Cet aspect n'était pas pour le jeune habitant une chose indifférente. C'était, depuis Beaucé, la première fois que j'avais du verre devant mes fenêtres. Toujours masqué par des murs, je n'avais eu sous les yeux que des toits ou le gris des rues. Combien cette nouveauté me fut sensible et douce. Elle augmenta beaucoup mes dispositions à l'attendrissement. Je faisais de ce charmant paysage encore un des bienfaits de ma chère patronne. Il me semblait qu'elle l'avait mis là tout exprès pour moi. Je m'y plaçais paisiblement auprès d'elle. Je la voyais partout, entre les fleurs et la verdure. Ses charmes et ceux du printemps se confondaient à mes yeux. Mon cœur, jusqu'alors comprimé, se trouvait plus au large dans cet espace, et mes soupirs s'exhalaient plus librement parmi ces vergers.